Bonjour à tous, alors aujourd'hui leçon de musique hein, dans la véranda avec Nono, le guitariste officiel de QSM. On va un petit peu vous donner les ficelles du groupe, hein, ce qu'il faut faire, ne pas faire, les accords qu'on utilise, notre matériel, enfin tout ce que vous avez rêvé, ben, QSM le fait ce soir. Je vais laisser la parole à Nono. Qui est bon, ben, l'âme du groupe, hein, comme je l'ai dit, avec ses riffs assassins, il va tout vous expliquer. À toi, Nono. Oui, merci Sébastien. Alors donc, vous allez remarquer, on commence la chanson par de la batterie, puis on fait arriver la guitare, et en même temps, quelques petits riffs. Vous avez remarqué que le riff un peu aigu que nous entendons maintenant, qui est fait d'ailleurs sur une Takamine 12 cordes, arrive après le reste pour donner de l'ampleur un petit peu à la chanson. La structure de la chanson est assez simple ce soir. Là, vous avez remarqué qu'on est sur un si. Un si qui dure deux mouvements. Enfin, un mouvement, pardon, excusez-moi. Alors que tout de suite après, on repart sur un mi majeur. Un mi majeur de belle facture composé par Sébastien ce soir. Donc, il faut trois doigts pour faire le mi. Alors après le mi, vient directement un si. Fait ben, par plus de doigts que le mi quand même. Et puis revient le mi majeur. D'accord, bon, mi majeur avec la Takamine derrière qui fait un petit solo. Ou on appellerait ça plutôt un thème. Là on arrête le thème, on est en si et hop, on rebascule vers le mi. Donc un mi majeur composé avec trois doigts, le pouce, l'index et le majeur. Et on repasse en si avec un petit solo ou un petit thème Takamine, 12 cordes. Puis on repasse à la cigale. La cigale donc qui fait des mi majeurs. Bon, je me permets de reprendre la main, Nono, pour une petite précision. Donc il ne s'agit pas d'un si comme l'a précisé Nono, mais d'un fa dièse majeur. Donc. Depuis le début, vous changez en fait. Hein. C'est bien un mi, mais voilà, là, on passe sur le fa dièse majeur. Donc, avec, ben, c'est un peu comme un mi en fait, hein, mais on décale d'une case. Voilà. Donc, vous faites attention à votre doigté, ça c'est important. Vous allez doucement au début, hein, pas trop se précipiter, et puis ben, vous allez de plus en plus vite quoi, hein, sur le fa dièse majeur. Oui, alors c'est vrai que je me suis trompé, hein, c'était bel et bien un fa dièse majeur. Cependant, je vais rectifier ce que vient de dire Bastien. Le fa dièse majeur s'obtient à partir du mi, mais il ne faut pas décaler d'une case, mais de deux cases. Hein. Donc deux cases sur le manche, on passe du mi au fa dièse majeur, à condition que le mi également soit majeur. Pour l'anecdote, un mi mineur se fait avec deux doigts. Bien, là on arrive au terme de la chanson. On est sur un mi majeur, la Takamine qui faisait un petit thème. Sur quelques notes, il est sur la corde de si, ou les cordes de si, puisque c'est une 12 cordes, donc il est accordé en mi, la, ré, sol, si, mi. Hein. Mais il y a deux cordes de mi à la fin. Voilà, pour que ça ait plus d'ampleur au son. Vous remarquez que les instruments sont arrêtés, à la fois la cigale et la Takamine. On a également arrêté les breaks et on laisse un petit peu la batterie se poursuivre pour donner une atmosphère à la chanson, pour montrer que on peut encore y réfléchir, on peut encore se poser des questions, ce qui permet un petit peu au groupe de s'exprimer par la pensée des gens et par leur imagination. Hein. Ce n'est pas une technique qu'on utilise tout le temps. Parfois, on préfère arrêter directement ou faire ce qu'on appelle un fondu, c'est-à-dire arrêter doucement les instruments les uns après les autres ou en même temps. Là, pour la leçon pédagogique, nous avons préféré continuer la batterie et on vous la laisse écouter un petit peu pendant quelques temps. T'es sûr que c'est un fa dièse? Ouais? par contre, je crois que je me suis planté pour le mi majeur. Là, j'ai parlé du pouce. J'ai merdé, non ? Ah non, mais merde, c'est la grille d'accord qui est à l'envers. À l'envers ? Oh, merde. Oh, de toute façon, ils se démerdent. Hein.